Je reviens vers vous, Daouda Bakary. Au vu de l'incapacité de la MINUSMA à apporter donc la sécurité du côté du Mali et dans la quasi-totalité des pays où les missions onusiennes ont été déployées, est-ce que cela ne pose pas au final le réel problème du bien fondé même de ces missions-là dans les différents pays où elles sont envoyées? Bon, je pense que par rapport à cette situation, on peut déjà dire que ce n'est pas seulement la MINUSMA aujourd'hui en Afrique, mais la plupart des missions aux régions sont déployées. Mais le cas du Mali peut-être pourra être vraiment un acte déclencheur pour que peut-être qu'on puisse vraiment examiner toutes les missions aux régions en Afrique. Mais pour l'instant, des voix quand même s'élèvent au niveau du Mali. Je crois que dans ce genre de combat, ces derniers temps, les autorités vraiment ne se mêlent pas dedans. Ils restent vraiment derrière la population, ils prennent la décision et après vraiment la demande de la population. C'était le cas par exemple de la France, la force Barkhane, c'était le cas vraiment de l'armée française de Mali. Ça a commencé comme ça, les gens ont commencé vraiment à déclencher des petites révélations sur le comportement de l'armée française. Et l'armée française, à son temps, qui ne respecte même pas vraiment ses missions et qui bombardait en son temps même des mariages en disant que ce sont des terroristes, personne n'a rien dit à l'international. Ce serait le même cas de la MINUSMA. Partout où la MINUSMA passe maintenant, les gens ont vraiment des soupçons. Et quand on continue comme ça, même au niveau des capitales régionales, la MINUSMA sera décriée, et comme l'autre l'a dit tout de suite, M. Diawara, il y aura un moment, il y a des moments où les gens seront obligés de se demander quelle est vraiment la mission principale de la MINUSMA. Si vraiment cette réponse n'est pas positive, les gens seront obligés maintenant, au lieu de se limiter seulement à la demande du retrait de la MINUSMA, ils seront obligés de les bloquer, de barricader les rues, où, c'est-à-dire que les voies où la MINUSMA transporte ses logistiques. On a vu la même chose quand l'armée française avait essayé de faire au Burkina Faso. À ce moment, les Maliens avaient dénoncé, le peuple malien avait commencé à dénoncer le comportement malsain de l'armée française. Jusqu'à ce que la Burkina Faso se sont impliqués là-dedans. Cette fois-ci, malheureusement, il n'y a pas de force onusienne au Burkina Faso, mais je crois que c'est la même chose maintenant partout dans les capitales régionales au nord du Mali. Ça ne peut pas continuer comme ça. La MINUSMA doit vraiment changer les cartouches. Ils doivent changer cela parce que il s'agit d'une mission qui relève vraiment du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont des militaires qui ont été mandatés. Et vraiment, cette mission doit se désintéresser des yeux de la France. Ils doivent vraiment s'écarter de la France et même essayer de donner les moteurs qui pilotent à l'intérieur de la MINUSMA et changer, de vraiment de remplacer les personnalités françaises qui biaisent vraiment la mission de ce mandat onusien qui s'est vu aujourd'hui au Mali. Sinon, si ça continue comme ça, ils se feront face vraiment à une peut-être vulgarisation massive de la population, parce que la population a commencé vraiment à murmurer partout, même à Bamako, les grains, dans les capitales. Et même certaines familles maintenant se posent la question. Imaginez quand les vieillards devant la télévision, ils disent, en Bamako, entre guillemets, ils disent, mais où le ministre est à Paris-Guinée. C'est-à-dire qu'ils se posent la question. Quelle est la mission principale des vieillards à la maison qui se demandent quelle est la mission principale de la MINUSMA au Mali? La MINUSMA est devenue vraiment un villagement à nous notre pareil. Donc il faut vraiment dénicher cette affaire-là, il faut tirer au clair avec les responsables du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que cette MINUSMA qui joue le rôle du gouvernement français arrête au Mali. Parce que je sais une chose de sûre. Ils peuvent payer quelques éléments pour vraiment manipuler les informations. Ils peuvent payer quelques éléments pour dénoncer et même revendiquer quel serait le sort de ceux-là qui travaillent aujourd'hui à la MINUSMA. Mais ce n'est vraiment qu'une guerre perdue parce que le peuple malien n'est pas prêt à aller avec des manipulations. Le peuple malien n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est ce qui fait la chance aujourd'hui de cette autorité qui est aujourd'hui, qui est là aujourd'hui, qui dirige le Mali. Leur chance a été que ces militaires ont trouvé déjà que ce peuple en avait marre de la communauté internationale des jeux qui relèvent de la géopolitique. parce qu'il s'agit de fatiguer le Mali, il s'agit vraiment d'anéantir et fatiguer le peuple malien et essayer de prendre vraiment les ressources qui sont au Mali. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'à Sitakiri, qui est une zone économique minière, peut se retrouver aujourd'hui dans une manifestation, alors que leurs combats doivent être vraiment, comme on peut avoir vraiment des jugements, des intérêts, de l'or à vendre pour mourir. Mais voilà une zone qui n'habite même pas une mission onusienne se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire en première ligne, pour demander le départ de l'aménagement. Ça veut dire que quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas. Imaginez les zones occupées par l'aménagement aujourd'hui, imaginez que les populations issues dans ces zones-là, vraiment, revendiquent encore le départ de l'aménagement. Ça va vraiment même compromettre le président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vraiment, et en même temps, le monsieur Guterres aujourd'hui va se retrouver vraiment dans une, devant une situation vraiment anormale. Et ce qui n'est pas bon pour un haut fonctionnaire international comme Antonio Guterres. Donc, il faut revoir le mandat de l'aménagement. Il faut déprimer certains responsables qui font l'affaire de la France. Il faut revoir vraiment ces mandats onusiens avant que ça ne soit plus tard. Parce que le peuple vraiment n'a pas commencé le combat. Il n'y a que quelques éléments encore qui sont réticents. Je dirais ceux qui sont à Sitakiri, ce sont des Maliens. Il n'y a que ces quelques éléments. Imaginez que les gens se retrouvent vraiment à la place de l'indépendance à Bamako. Les autres capitales régionales vont répondre à ça. L'aménagement, ce que l'aménagement est en train de faire, le fait de payer vraiment avec des copains pour donner ça à quelques activistes, pour démontrer le comportement de cette transition ira. Mais nous, le peuple malien, on restera comme un seul homme. C'est ça le combat. Ils doivent comprendre cela. Cher Daouda Bakary Koné, pour cette autre intervention. Afrique Média, le monde, c'est nous.